Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. Ben, hier, dans la section entrevue de danradiosport.com, on a parlé avec Samuel Girard qui a joué ses trois premiers matchs avec les Admirals de Milwaukee, filiale des Predators de Nashville dans la Ligue américaine. Et Samuel Girard indique que ça a quand même très, très bien été lors de ces trois matchs. Personnellement, je trouve que ça a très bien été. C'est sûr que mon premier match, là, c'était vraiment une adaptation. Il fallait que je m'ajuste au jeu là-bas, mais après ça, tu sais. Donc après mes deux premiers chiffres de la première game, ça a très bien été. Là. Ça fait trois games que je suis dans le line-up, fait que c'est sûrement bon signe. Et dans un deuxième temps, Samuel Girard indique que la vitesse d'exécution est la plus grande adaptation lorsqu'on change de catégorie. Oui, exactement. Comme tu dis, c'est sûr que c'est pas mal plus vite que junior. Fait que il faut que je m'adapte à la vitesse du jeu, ça c'est sûr. Puis tu sais, je pense que l'exécution, les gars, puis tout ça, c'est pas mal plus rapide là que dans junior. C'est comme tu dis, plus en plus tout le monde de niveau, plus en plus c'est rapide. OK. Là, Samuel Girard a une discussion avec les entraîneurs des Admirals de Milwaukee et ils ont dit de continuer à jouer son match. Non, ils m'ont pas vraiment parlé de ce que je devrais améliorer, puis mon commentaire. Je pense qu'ils m'ont joué ma game. Je suis arrivé ici, ils m'ont rencontré, ils m'ont expliqué leur système de jeu, tout ça. C'est pas mal la seule chose qu'ils m'ont expliqué, puis tout ce qu'ils m'ont dit, c'est jouer ma game. Ce soir, il y a le troisième match entre les Saguenay de Chicoutimi et les Huskies de Rouyn-Noranda qui va avoir lieu au Centre Georges Vézina. Et hier, on a parlé avec Nicolas Roy. Cette entrevue se remet en ligne aujourd'hui. Et Nicolas Roy mentionne qu'il n'y avait pas de sentiment d'urgence dans le match contre les Huskies samedi soir. Je pense pas que c'était vraiment un sentiment d'urgence. Je pense que match après match, on se prépare pour le prochain. On pense pas à long terme. On se prépare toujours pour le match suivant. Puis je pense qu'on est capable de rebondir pour le match de samedi. Puis on est content pour ça, puis là, on va se préparer pour le prochain match. OK. Dans un deuxième temps, Nicolas Roy mentionne que le fait que les joueurs savaient que Jermaine Rutsoff ne revenait pas, ben ça n'a pas changé vraiment leur philosophie durant. Non, bon, on savait qu'il ne revenait pas. Tu sais, c'est sûr que c'est plate. Rutsoff, c'est un excellent joueur, puis on l'a vu dans les matchs qui étaient là. C'est un joueur exceptionnel, mais en même temps, je pense que notre plan il était vraiment fait, puis qu'on est capable de performer. Rupsov, il n'a pas joué beaucoup de matchs non plus cette année, puis je pense que notre plan de match est prêt, puis il ne change pas que Rupsov soit là. Dans un dernier temps, ben Nicolas Roy mentionne que le plan de match de mettre de la pression sur les défenseurs de l'échec avant a porté fruit durant le deuxième match contre les Huskies de Rouyn-Noranda. Ben, je pense que on voulait justement rebondir de l'ajout d'avant. Je pense qu'on était justement, on n'avait pas été assez rapide sur la rondelle, puis l'exécution était pas excellente. Je pense que tel mot d'ordre, on voulait rebondir de ça, puis je pense qu'on est capable de le faire la game d'après. Le journal Le Quotidien, sous la plume de Louis Potvin, nous apprend ce matin qu'il y aura un triathlon qui sera présenté à Saint-Félicien à la fin de semaine de la fête du travail. Il y a un comité de bénévoles avec à sa tête Jean-Michel Tremblay qui organise cette activité. Et la rivière Atchimouchouan fera les frais de la compétition de la nage, tandis que la compétition de vélo et de course à pied va se faire au centre-ville de Saint-Félicien. On va tenter au cours des prochains jours de parler avec l'un des responsables. Et bilan fort positif pour le centre de ski de Domeski, c'est du moins ce qu'a révélé le président David Larouche en entrevue sur les ondes de danradiosport.com hier. David Larouche mentionne que c'était une année tout à fait exceptionnelle. L'équipe qui a été mise en place à Domeski, vraiment impressionnante, un dynamisme incroyable. Vraiment, tout le monde y avait le centre Domeski à cœur, puis ça paraissait. Donc, vraiment une belle énergie. On a eu une belle année. Au niveau de la neige, des précipitations, ça a été merveilleux. Ça a dû aider. Et le fait qu'on a eu de la neige dès le début de la saison, ben, ça a aidé énormément à l'organisation du centre de ski de Domeski. Du congé des fêtes, ça change toute la donne, ça part bien la saison. Au niveau financier, c'est sûr que c'est des retombées qui sont vraiment importantes. Le fait aussi d'avoir retiré là, dans la semaine de relâche et après la semaine de relâche aussi, je pense que les dernières années, on ne réussissait pas à prolonger la saison aussi tard. Donc, c'est sûr que Miss Météo là, a vraiment été là, de notre côté là, au niveau du facteur. Dans un dernier temps, ben, David Larouche nous mentionne que le projet du canon à neige était sur le point de se réaliser. Et ça va bien. C'est sûr qu'on fait des demandes financières. Et dans le fond, là, je n'ai pas rien à annoncer parce qu'il n'y a pas de confirmation. Mais disons que ça sent très bon. C'est très positif là, pour... Je vous invite donc à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec David Larouche, le président du centre de ski de Domiski. Rémi Bouchard vient nous parler de la victoire de Sergio Garcia au Masters. Et vous pouvez également écouter l'entrevue que j'ai réalisée hier avec Samuel Girard. Samuel Girard qui a joué ses trois premiers matchs professionnels en fin de semaine. Le sport local et régional à danradiosport.com, à son équipe.